بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف في باب جديد في التحريم التسخط بالفير والكول. L'interdiction de ce, c'est-à-dire de contester, c'est-à-dire le mal, le malheur de la mort, et cela, cette contestation, il est interdit qu'elle soit faite ni par les actes, ni par la parole. Et donc de là, il va citer deux hadiths qui vont aller ensemble, qu'on va prendre dans un même dirs, Inch'Allah. Awalan fil hadith al-hadi wa sittin ba'd al-mi'a. 161e hadith. An Abi Musa, Abdillah ibn Qais, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, بريئة من السارقة والحالقة والشاقة وقال المصنف طيب donc selon Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est innocenté de as-sariqa. Sariqa, c'est celle qui lève sa voix, qui crie lors d'un malheur. Wal-haliqa, al-haliqa, c'est celle qui se rase la tête lorsqu'un malheur la touche, et cela par contestation. Wa ash-shaqqa, c'est celle qui déchire ses vêtements. D'accord, qui déchire ses vêtements. Donc tout cela sont des actes de contestation, de rébellion, du fait que la personne n'accepte pas la mort de son proche. Donc elle agit de la sorte. Donc al-Rawi, le rapporteur, c'est Abu Musa al-Ash'ari, dont on a déjà parlé auparavant. Et sujet du hadith, bayyana hukm at-tasakhkhut min al-masa'ib, qui vient pour donner le jugement justement d'une personne qui viendrait à s'irriter lorsqu'un malheur le touche et à contester, que ce soit par les paroles et par les actes, ou par les actes. Il y a qu'au fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Al-insan 'inda 'abdun mamlukun lillahi ta'ala yaf'alu fihi ma yasha mimma taqtadihi hikmatuhu min as-sarra'i wad-darra wal-mu'minu haqqan wal-ladhi yakunu saburan 'inda ad-darra wa shakuran 'inda as-sarra radiyan billahi rabban wa rahiman wa mudabbiran wa hakiman. Donc la personne, l'être humain, c'est un serviteur et il est un sujet d'Allah Azza wa Jalla, il lui appartient. Et Allah Azza wa Jalla fait de lui ce qu'il veut, et cela en mesure de ce que implique sa hikmah. Car la sagesse d'Allah, elle est immense. On ne sonne pas tout ce que Allah Azza wa Jalla décrète comme bien pour nous. Donc Allah nous décrète que l'on meurt ou que nos proches viennent à mourir. Il nous décrète des choses qui nous plaisent et des choses qui nous déplaisent. Et le vrai croyant, c'est celui qui patiente réellement lorsqu'un mal le touche et qui remercie lorsqu'un bien le touche. Qu'il agrée Allah comme Seigneur et comme miséricordieux et comme celui qui a le contrôle sur lui. Et il agrée sa sagesse. Il ne conteste pas. Il sait que ce qui lui arrive, c'est un bien pour lui en réalité. Qu'il se rende compte ou pas. فَإِذَا قَدَّرَ عَلَيْهِ مِنَ مَصَائِبِ مَا لَا يَتَلَائِمُهُ صَبْرٌ وَاحْتَسَبَ الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَتَسَخَّطْ بِقَلْبِهِ وَلَا بِقَوْلِهِ وَلَا بِفِعْلِهِ فَإِنَّ الصَّبْرَ طَرِيقَةُ الرُّسُلِ وَالتَّسَخُّطُ طَرِيقَةُ الرُّعَنَاءِ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ. Donc si Allah Azza wa Jal décrète, le prédestine qu'un mal doit le toucher, et quand on dit un mal, c'est un mal à nos yeux, à nous, et pas dans les décrets d'Allah, car les décrets d'Allah n'ont aucun mot. Ne dégaine aucun mal. Ce mal est juste relatif à nos yeux, à nous. Sans quoi il n'y a qu'un bien derrière. Donc si jamais, lors de cette épreuve, ce malheur, il patiente et qu'il recherche la réponse auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'il ne se rebelle pas, c'est-à-dire dans son cœur, d'accord, il n'est pas mécontent de ce qui lui arrive forcément, bien qu'il est triste, dans son cœur, il ne conteste pas cela, ni par les paroles, ni par les actes. C'est celui-là. D'accord, le vrai croyant. Car la patience, endurance, c'est la voix des messagers. Tandis que la contestation et la rébellion, c'est la voix de ceux qui se sont opposés à eux. Des gens du mal. وَلَوْمْ فِيَدَ الْحَدِيثِ يُخْبِرُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِي أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرَّأَ مِمَّنْ تَسَخَّطْ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَأَظْهَرَ مَا يُنَافِي الصَّبْرِ مِنْ شِقِّ الثِّيَابِ وَالْحَلْقِ الشُّعُورِ وَالدُّعَى بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ. Et dans ce hadith, Abu Musa informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est innocenté justement des gens qui ne suivent pas sa voie, c'est-à-dire des gens qui se rebellent et contestent lorsque Allah décrète une chose qui ne leur plaît pas et qui n'agrée pas le destin qui leur a été décrété et écrit, et qu'ils font apparaître ce qui s'oppose à la patience, comme le fait de déchirer leurs vêtements, de se raser la tête ou d'invoquer sur eux-mêmes le malheur, ou les cris, ou les pleurs exagérés, on parle des pleurs de contestation et non pas les pleurs émotifs de tristesse qui eux sont légiférés. يقول من فوائد الحديث أصنمه الحديث أن التسخط من المصائب القلب أو اللسان أو الجوارح من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله que justement cette contestation lors des malheurs par le, dans le cœur par la langue ou par les actes serait parmi les grands péchés car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'en innocentait. Et tout ce dont c'est innocenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith là, est considéré comme étant parmi les grands péchés. Fa'aniyan wujub sabr ala al-masa'ib, qu'il est obligatoire de patienter lors des malheurs, des calamités qui nous touchent. Et la vraie patience, c'est la patience qui a lieu dès le premier choc. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama sabru 'inda sadmatil ula. C'est-à-dire dès que la chose te touche, c'est là que tu te retiens et que tu te maintiens et que tu patientes, que tu affrontes. Une personne qui s'irrite, se rebelle, crie, et ensuite vient pour dire c'est bon, je patiente, on dit tu n'as pas patienté. Disons que ta douleur s'est amoindrie, mais la vraie patience, c'était dès le début qu'il fallait l'avoir. Donc la personne n'aura pas la récompense, justement, d'avoir recherché la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors le péché de sa contestation, et si elle se repent, son péché lui fera pardonner. Mais la récompense de la patience, elle ne l'aura pas acquise. ثالثا ضعف النساء وقلة تحملهن. Et ce hadith prouve la faiblesse des femmes ainsi que le fait qu'elles supportent peu les malheurs. Elles sont le plus à même de se rebeller, de crier, de pleurer, d'accord, et d'agir comme il ne faut pas. Car dans le hadith, il a parlé au féminin, as-saliqa wal-haliqa wal-shaqa. Il parle de femmes. Bien que cela peut toucher des hommes également, mais le plus souvent sont les femmes. D'où également le fait qu'il ne leur ait pas permis de suivre les janaïs. Et le relève qu'il y a à ce qui leur est permis de visiter les tombes. Et ça, c'est une masala où il y a une divergence. Et dans le deuxième hadith, qui est le hadith Athani wa Sittin Bardil Mi'a, 162e hadith, An Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a'ala, Laysa minna man daraba al-khudud, wa shaka al-juyub, wa da'a bi da'awa al-jahiliya. Sur Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues ou qui déchire son vêtement ou alors qui invoque ou qui crie d'un appel de la période pré-islamique. Et cela lors d'une mansiba, lors d'un malheur. C'est le même sujet que le hadith précédent. Donc le rapporteur c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et le sujet du hadith c'est le même. D'accord ? C'est-à-dire le jugement d'une personne qui conteste et qui n'accepte pas le malheur qui la touche. Et dans le Sharh al-Ijmali, le Sheikh dit Al-Mu'min haqqan wallazi yasiru ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yasbiru ala al-masa'ib wa yajtanib al-masa'ib wa la yatasakhkhat min qada'illahi wa qadarihi lanahu mamlukun lillahi ta'ala wallahu yaf'alu bi mulkihi ma sha'a. Donc le vrai mu'min c'est celui justement qui se tient sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui patiente lors des épreuves et qui évite toutes les choses qui pourraient engendrer la colère d'Allah sur lui. Il ne se rebelle pas, il ne conteste pas lors des choses qui l'atteignent dans son destin, même des choses qu'il n'a pas forcément provoquées, d'accord, car il est un sujet d'Allah et lui appartient, c'est sa propriété. Et Allah fait dans son royaume ce qu'il veut. وَلِنَا تَسَخُوتَ لَا يَدْفَعَ الْمَصَائِبُ وَلَا يُوَهُوِهُنَا يُوَهِنُهَا نعم بل يزيدها. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون من أهل طريقنا من يتسخط من قضاء الله وقدره فيلتم خده ويشق ثوبه عند المصائب تسخطا وجزعا أو يدعو بالويل والثبور ونحوهما مما يدعو به أهل الجاهلية عند المصائب. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, plutôt le fait de contester lors des malheurs, cela, cet acte ne sert à rien, car il ne repousse pas le malheur, ni ne l'amoindrit, mais plutôt il en rajoute. C'est-à-dire que ton malheur, en criant, te rebellant, te rajoutera encore plus de malheur, du fait que tu prendras les péchés, et que cela va te faire encore plus de mal. Et dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui agissaient de la sorte n'étaient pas sur sa voie. Comme les gens qui se frappent les joues lors de malheur, qui se déchirent les vêtements et qui crient et autres qui invoquent sur eux qu'un mal les touche. Et que cela est un comportement jahili de l'époque pré-islamique. Et que cela ne sied pas aux musulmans d'agir de la sorte. يقول من فوائد الحديث أصلًا ما الحديث تحريم التسخط من المصائب وإنه من كبائر الذنوب. Qu'il est interdit de s'irriter lors des malheurs et que cela fait partie des grands péchés. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam son innocenté. Thaniyan, anna du'a bil wail wa thubur ala من الجهل إذ لا يستفيد الداعي منه سواء الدعاء على نفسه وإشغال حرارة الأحزان et le fait d'invoquer sur soi-même d'accord le malheur cela fait partie de l'ignorance car cela ne profite en rien celui qui invoque si ce n'est qu'il invoque sur lui-même et cela lui rajoute de la tristesse. ثالثا كمال طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. Cela montre justement la perfection de la voie du Nabi صلى الله عليه وسلم et de ceux qui le suivent, car eux n'agissent pas de la sorte. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم a enseigné qu'il ne fallait pas agir de la sorte. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.